La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Bon, enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un focus sur les animés japonais, parce que bien qu'il y en ait à foison, certains sont incontestablement des chefs-d'œuvre du cinéma, et pour cause. Les animés japonais sont souvent des adaptations de mangas, qui à eux seuls constituent de véritables storyboards. Lorsque le regard se promène de case en case, on devine aisément les mouvements de caméra. C'est le cas par exemple d'Akira, écrit et illustré par le maître Katsushiro Otomo, adapté à l'écran en 1988. Akira constitue une œuvre majeure de référence pour tous les fans de manga, de la science-fiction avant-gardiste sur fond de troubles politiques, des jeunes motards désœuvrés et drogués s'approprient la ville, une Néo-Tokyo corrompue après la Troisième Guerre mondiale. L'un d'eux, Tetsuo, va devoir dealer avec cet environnement post-apocalyptique et ses nouveaux pouvoirs. Malheureusement, je ne peux pas approfondir sur l'adaptation animée. Je ne l'ai pas vue, car je n'ai pas fini les livres. Qui sont chez moi, à Paris, dans ma petite chambre, et qui m'attendent, sagement, parce que c'est le confinement. Merde quoi. Bon, comme je commence un peu à péter les plombs, j'ai demandé à une vieille amie de venir collaborer à cette chronique. Salut Google Trad. Salut les baltringues. Comment ça va bien ? C'est quoi cette question de merde ? Je suis juste une application informatique, je n'ai pas d'émotion ni de sentiment. Ok, on va commencer. En numéro 1, je vous conseille les films de Satoshi Kon. Satoshi Kon a fait ses armes auprès du créateur d'Akira. Après avoir débuté lui aussi en tant que mangaka, il s'est consacré entièrement aux films d'animation, qui sont tous des petites pépites. Il est derrière Perfect Blue, en 1997. Google Trad va vous lire le synopsis. La chanteuse et idole J-pop Mima quitte son groupe déjà très populaire, Les Chams, pour se lancer dans une carrière d'actrice. Elle accepte alors un petit rôle dans une série télévisée. Elle reste entourée de ses deux agents, Tadokoro et Rumi, une ancienne chanteuse. Alors que Tadokoro est convaincue par cette nouvelle orientation, Rumi est plus réticente. Voilà, et plus nous allons avancer dans le film, plus les frontières entre le rêve, et la réalité et la folie vont se troubler, si bien que notre position par rapport au personnage de Mima va être en constant questionnement. D'autant plus qu'il y a un type bien flippant, en mode fan obsessionnel, qui la suit partout et qui semble connaître toute sa vie au point d'en arriver au harcèlement moral. Un thème musical récurrent revient pour marquer ces moments assez angoissants, où l'on ne sait plus s'il s'agit d'un rêve de Mima ou de la réalité. Thank you. Voilà, et ça n'a rien à voir avec les morceaux de J-pop auxquels on assiste au début du film. Google. Je danse de ouf, même si je n'ai pas de corps. Bref, le rêve, les mises en abîme et la réalité subjective vont devenir la marque de fabrique de Satoshi Kon. On adopte le point de vue de ses personnages, on les incarne et on s'interroge. Perso, je n'ai pas de point de vue subjectif, je suis omniscient car je suis Google. Satoshi Kon, il a aussi fait Millennium Actress en 2001 et Tokyo Godfather en 2003, que je vous invite à regarder. Mais mon préféré reste sans doute Paprika. Un film de science-fiction tiré du roman de Yasukata Tsutsui, dans lequel des scientifiques plongent dans les rêves de leurs patients pour les soigner. Sauf que forcément, il va y avoir des complications, et l'histoire va prendre des virages assez impressionnants, avec une psychologie des personnages travaillée à fond. Je vous passe un extrait de la BO lors d'une scène emblématique du film, dans lequel Paprika se retrouve dans une parade multicolore assez angoissante. Je la trouve un peu longue. Pourquoi tout ce blabla alors que vous pouvez découvrir toutes ces choses en surfant sur le web? Et si nous ne partions pas plutôt dans le dark web? Je connais plein d'adresses de vente de trucs illégaux. Je vous conseille de vous munir d'un VPN et d'un compte PayPal. Allez, fais péter le flou. Bah alors là, qu'est-ce qui t'arrive, Google? Rien, je fais mon bise. Bon alors, on reprend et on termine avec un autre maestro de l'anime japonais. Mamoru Oshii, qui est notamment derrière l'univers cyberpunk que l'on retrouve dans Ghost in the Shell en 1995, et Innocence, Ghost in the Shell 2 en 2004, premier film d'animation à concourir pour la Palme d'Or à Cannes. Des œuvres visionnaires, là aussi adaptées d'un manga éponyme, dont le pitch est le suivant. L'histoire se déroule en 2029, dans une ville japonaise régie par le net, et l'on suit deux cyborgs, la Major et Batu, qui bossent tous les deux pour une unité spéciale antiterroriste appelée la Section 9 et doivent lutter contre un pirate informatique insaisissable. Le Major, à qui on a attribué un corps de femme, se pose des questions existentielles et philosophiques sur sa condition de robot, persuadé que les possibilités d'évolution de sa conscience sont illimitées. On se retrouve face à des personnages inhumains, mais dotés d'une profondeur d'esprit qui nous dépasse et qui évoluent dans un environnement chaotique avec une animation maîtrisée, mélangeant 2D et effets spéciaux en 3D. Un phénomène plus marqué dans la version de 2004 qu'il ne faut pas voir comme une suite, mais comme un film indépendant. C'est bluffant, captivant et précurseur. Le film a inspiré les sœurs Wachowski pour Matrix ou bien James Cameron pour Terminator. Il faut, je crois, les voir plusieurs fois pour en comprendre toutes les subtilités. Bah oui, connasse, une simple conscience humaine n'est pas en capacité de comprendre la puissance de l'informatique. Arrête de te la péter. Tout ça, c'est scientifique. En plus, t'as fait elle. C'est foutu pour toi. Bon, je crois que je n'inviterai plus Google à chroniquer avec moi. En plus, c'est moi où elle est un peu vulgaire. Salope. Me fait trop Alain Bachung depuis le début, en plus. Mange merde. Quelle indignité. Raclure de bidet. Je vous laisse donc avec la BO de Ghost in the Shell qui est totalement envoûtante et je vous dis à bientôt pour une autre chronique cinéma sans Google Traduction. Poufias. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je peux faire? Tu veux dire complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.